question mentale. C'est moi, c'est le narrateur. Et vous savez quoi ? Eh ben, c'est la 20e heure de Tokyo Mental. Eh oui. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, il y a au moins 2000 personnes dans le studio. Incroyable, je ne sais même pas comment on a pu les faire entrer. Merci beaucoup. Merci, c'est sympa. Non, vraiment, je n'en mérite pas tant. Merci. Vous exagérez, oh là là. Non, mais non. C'est juste 20 heures de programme. Oh là là. Bon, là, vous en faites trop, là. Arrêtez. N'importe quoi. Mais c'est ça. Bon, je vais aller les calmer, puis je vous retrouve juste après ça. Qui êtes-vous ? Les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. La mer à présent Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. それは各自に任せるとして、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 ラジオプルさん。 Que la paix signifie pour ce pays, pour cette ville et pour nous. Tous les efforts, toutes les souffrances que le Japon a endurées se sont évanouies avec Hiroshima. Puis les Américains sont arrivés avec leurs forces de dissuasion nucléaire et leur guerre froide, leur chewing-gum et leur boisson pétillante. Et aujourd'hui, des guerres éclairs éclatent un peu partout dans le monde. Tout n'est que misère et désolation. Notre pays est un pays riche. Et sur quoi cette richesse est-elle construite ? Sur les cadavres de ces guerres meurtrières. Ils sont les fondements de notre paix. Nous nous donnons autant de mal à cultiver l'indifférence que nos parents à survivre pendant la guerre. Ce sont les pays des autres continents qui paient le prix de notre paix prospère. On nous a très bien enseigné comment ignorer leurs souffrances. Peu importe le prix de la paix, ce qui est essentiel, c'est de la préserver. Même s'il s'agit d'une paix immorale. C'est peut-être une paix injuste, mais c'est de loin préférable à une guerre juste. Je partage votre répugnance pour les guerres justes. La seule qui soit acceptable, c'est celle qui a eu lieu contre les nazis. Nos alliés, capitaine. Les nazis étaient nos alliés. Et combien d'hommes à travers l'histoire sont morts au combat parce qu'on leur a fait croire que la guerre était nécessaire ? Des millions. Et pourtant, il me semble que la différence entre une guerre juste et une paix injuste n'est pas si évidente qu'on pourrait le croire. Si une guerre juste n'est qu'un leurre, à quoi peut-on comparer une paix injuste ? On nous dit qu'on est en temps de paix, mais si on regarde bien autour de nous, on s'aperçoit vite que c'est une drôle de paix. On nous affirme que chaque guerre mène à la paix. Et après que la paix n'est en fait qu'un embryon de guerre qui sommeille. Ce n'est qu'une question de temps. La dure réalité balaye nos illusions qui nous portent à croire que l'absence de guerre signifie la paix. Je vous repose la question. Qu'essayons-nous de protéger ? Nous jouissons de la paix sur nos écrans de télévision alors qu'en dehors du champ de la caméra, la guerre fait rage. Nous oublions que nous ne sommes qu'un cliché derrière la ligne de front. Non, ce n'est pas que nous oublions, nous refusons tout simplement de nous souvenir. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon un beau jour, nous serons punis. Punis ? Mais par qui ? Par Dieu ? N'importe qui dans ce monde peut remplacer Dieu, dans un univers pas plus grand que son propre esprit, présent partout et sachant tout, et cependant impuissant à sortir des confins de ses limites. Et là où Dieu ne peut rien faire, des hommes s'y emploient. À moins qu'on ne les arrête. Et retour dans le studio où il n'y a plus personne, j'y verrai tout le monde. Bienvenue dans Tokyo Mental 20e heure. Vous n'entendez pas d'applaudissements. Bienvenue Audionaute, vagabond des fréquences modulées, arpenteur des émotions sonores, tout ça vous le savez, je suis le narrateur pour les 60 prochaines minutes. Et ce soir, nous allons parler un peu plus que d'habitude, enfin du moins je vais essayer, si j'arrive à me relire. On va parler de Matsumoto Leiji-san, qui est mort le 13 février dernier. Matsumoto Leiji-san, c'est, non pas le papa, j'aime pas ce terme, mais le créateur de ce que nous, on a appelé Albator en France, un animé qui a été diffusé dans les années 70-80 et qui a marqué toute une génération, la mienne. Mais avant, on va écouter un petit, on appelait ça dans le temps un pot pourri. Aujourd'hui, on va appeler ça plutôt un mix de trois œuvres emblématiques, en tout cas pour moi, du travail de Leiji Motosan, Space Symphony Maitel, Harlock, Captain Harlock, et Galaxy Express 999. Ce sont les génériques d'ouverture de ces trois séries. Ah non, ça c'est pas vraiment ça. Alors je me suis trompé, voilà, je me suis trompé de bouton. C'est plutôt ça. We'll be right back. は青春のアルカディア号発進。 Et voilà, Matsumoto Legisan est parti à 85 ans le 13 février dernier. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est pas important. Il a eu une vie bien remplie. C'est un auteur mondialement connu. Ça a mis du temps, mais on a fini par savoir que derrière Albator, il y avait autre chose que Albator, que ça faisait partie d'un univers qu'aujourd'hui on dirait étendu, superbement étendu, et voire même un multivers, puisque tous les personnages, tous les protagonistes de ces mangas et de ces animés, en fait, fonctionnent dans un ensemble de réalités parallèles qui ne se rencontrent pas ou qui se rencontrent des fois, et qui permettent de donner un tout cohérent à des œuvres qui, à la base, avaient été créées de façon totalement séparées les unes des autres, dans des thèmes comme le western, la guerre et la science-fiction. J'avais écrit tout un laïus sur cet univers, le Leijiverse, sur comment il fonctionne, etc. Mais bon, au final, quand je me relis de tout ce que j'ai écrit, toujours une tartine chez moi. Ah, c'est une perte de temps. Allez voir Wikipédia, Leiji, Matsumoto, voyez tout ce qui est écrit, et puis remontez de hyperlien en hyperlien, et vous allez découvrir quelque chose qui est une œuvre qu'on peut qualifier de monumentale. Ensuite, il y a tout un tas de personnes, des geeks et des fans de manga sur YouTube qui ont des chaînes et qui en parlent beaucoup, beaucoup mieux que moi et qui expliquent ça avec des images, avec des extraits. Ce sera beaucoup plus intéressant que m'entendre parler pendant 10 minutes du Leiji-verse. En plus, je ne suis pas vraiment un spécialiste du manga ni de l'animé en général. J'ai des notions parce que je m'intéresse et parce que j'ai de la famille qui travaille à l'intérieur dans ce domaine. Mais globalement, bon, c'est pas non plus. J'ai pas assez de temps dans mes journées pour m'occuper de tout ça. Tout ce que je peux dire sur Leiji Matsumoto-san, c'est qu'il a marqué une génération, la mienne, et puis certainement la suivante, que ça n'a rien à voir avec le Club Dorothée, parce que vous savez peut-être ce que je pense du Club Dorothée. Pour moi, c'est pas du tout une bénédiction. Ça a posé tout un tas de problèmes, et surtout, ça a donné une idée des œuvres originales qui est complètement fausse, à cause du doublage, à cause des génériques qui ont été remplacés, à cause même des scènes coupées, de la rescénarisation de certains animés pour correspondre à la culture locale, etc. Bref, moi, j'ai découvert Captain Harlock sur le tard, donc dans ma vie d'adulte, en fait. Et j'ai découvert qu'il y avait un fond philosophique, un fond métaphysique, qu'il abordait des sujets très complexes, en fait. Et que, surtout, c'est pas du tout un animé de space opéra au sens Star Wars du terme. C'est-à-dire que l'objet des animés, que ce soit Galaxy Express 999 ou bien l'arc qui correspond à Metel, ou bien même Captain Harlock, Queen Emeraldas, tous ces personnages, en fait, ne sont pas des guerriers, ce sont des êtres libres, souvent des femmes, autonomes, libres, qui revendiquent leur liberté, qui se battent pour leur liberté, qui sont profondément amoureux de l'humanité pour son potentiel, et qui sont profondément atterrés parce qu'ils voient de ce que l'humanité est devenue dans le futur, c'est-à-dire des animaux domestiques embourbés dans un confort. C'est moche. Bref, ils se battent pour des idéaux plus grands qu'eux. C'est pour ça que ce sont des pirates et pas des corsaires. Parce que Albator n'est pas un corsaire de l'espace. Enfin, Albator est peut-être un corsaire de l'espace, mais Captain Harlock est un pirate de l'espace. Et ça n'a absolument rien à voir. Historiquement parlant, un corsaire, c'est un mercenaire qui se met, qui fait des actes de piraterie au service d'un état ou d'un seigneur. C'est pas du tout un pirate, c'est un employé. Les pirates se battent pour leur autonomie, leur liberté. Ce sont souvent des femmes, ce sont souvent des hommes qui se sont libérés par mutinerie. Ce sont des esclaves qui se sont libérés et pour qui la vie doit être intense, rapide. Ils préfèrent mourir libre rapidement que vivre enchaîné longtemps, en fait. Bref, je vais fermer la parenthèse. C'est aussi un... Leiji-san est aussi un contemporain et un ami de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, qui est l'auteur de manga et d'animé, qui a posé toutes les bases qu'on utilise encore aujourd'hui. Les grands yeux, par exemple, c'est Osamu Tezuka. Il a pris ça chez Disney, dont il était un fervent admirateur. À l'époque où Disney faisait encore des dessins animés intéressants. C'est-à-dire, il y a très longtemps. C'est en voyant Bambi, en fait, qu'il a beaucoup impressionné. Et les grands yeux de Bambi, c'est là qu'il a compris que c'est par les grands yeux qu'on pouvait faire passer des émotions. Parce que pour dire ce qui est, les visages japonais ou les visages asiatiques en général ne sont pas des visages très expressifs, en tout cas pas de notre point de vue. Eux, ils comprennent très bien le langage verbal entre eux, le langage non-verbal, pardon, entre eux, mais nous, on a un peu du mal à les déchiffrer. C'est pas juste un préjugé, c'est aussi une réalité. Donc les grands yeux dans les mangas, pour les personnages, c'est un moyen de faire passer des émotions, de faire comprendre certaines choses, notamment au jeune public, et voilà quoi. Et donc aujourd'hui, on le retrouve encore. Bon, je vais refermer cette parenthèse et puis je vais passer à quelque chose d'autre après ce jingle. Tokyo. Mental. Eh oui. Là, ça va être précédemment dans Tokyo Mental. Donc, précédemment dans Tokyo Mental, j'ai passé tout un tas d'artistes de J-pop. Des artistes que j'aime bien, des artistes que j'ai découverts en faisant l'émission, en suivant des liens, en regardant des vidéos, etc. Parce que je suis loin de connaître tout ce qui se passe dans la J-pop en général. Et parmi ces artistes, donc, j'ai décidé de faire un retour en arrière et d'en réaborder certains. Donc, par exemple, j'ai passé plusieurs fois des chansons de Sakamoto Maahaya. Sakamoto Maahaya, elle est connue comme le loup blanc. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle au Japon une seiyuu. Une seiyuu. Je ne sais pas si je le prononce bien. En fait, c'est une comédienne qui est spécialisée dans les voix des personnages d'animé. Alors, non seulement elle est spécialisée dans les personnages d'animé, elle a fait, par exemple, des voix dans des animés comme les Chroniques de la Guerre de Lodos, Wolf Rain, Canon, Ragzefon, Gundam Seed Destiny, Dot Hack Sign, Tsubasa Reservoir Chronicle, Soul Eater, par exemple. Bon. Mais c'est aussi une chanteuse. Elle est quasiment systématiquement associée à Yoko Kanno, qui est quand même la compositrice japonaise d'animé par excellence. Et elle a, par exemple, elle est tellement connue qu'on lui a confié le doublage de Padmé Amidala, le personnage de Padmé Amidala, dans la prélogie Star Wars, quand elle a été diffusée au Japon. Bon, c'est pas rien, quand même. Donc, on va écouter deux titres, d'elle. Le générique de Vision d'Escaflowne. Moi, c'est un générique que j'adore. Et ensuite, le générique d'ouverture de Kofuku Graffiti, qui est un animé de cuisine, comme les Japonais aiment bien faire, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Je connaissais la chanson, mais je ne connaissais pas l'animé. Et voilà, c'est parti. Sure. Sakamoto Maeya-san, j'adore. On va poursuivre avec un groupe de quatre jeunes filles. Elles ont une vingtaine d'années. Elles se prénomment Misio, qui est la leader, Rin, Susuka et Kanon. Et elles forment le groupe Atarashi Gakko, qui peut se traduire par nouvelle école. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si c'est métaphorique ou littéral. À mon avis, ça veut dire la relève, un truc comme ça. Alors, c'est un groupe de quatre filles, donc. Elles sont habillées comme des collégiennes typiques, avec l'uniforme marin. Mais par contre, elles agissent complètement différemment. Quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la J-pop inoffensive, gentille, kawaii, avec des filles qui sont pas vraiment, comment dirais-je, qui n'ont pas vraiment beaucoup de personnalité. Quoi. Elles sont pas des poupées, elles sont plutôt dans le burlesque, dans l'ironique. Et puis, elles ont des comportements de garçons manqués. Et elles remettent pas mal en cause, dans les thèmes qu'elles abordent dans leurs chansons, le conformisme de la société japonaise, comme le fait Ado ou Réol, dans un autre genre. Alors bon, évidemment, c'est une remise en question à la japonaise, hein, c'est-à-dire que bon, on dépasse pas trop les bornes, et puis on dit pas de gros mots, enfin bon, c'est plus dans les attitudes et puis dans le ton employé. Mais quand même, quelque part, ça fait grincer les générations de leurs parents, parce que bon, elles remettent en question... C'est vraiment une société très rigide, la société japonaise. Il faut comprendre que on n'aime pas trop bouger les limites, les normes, etc. là-bas. Donc là, on va écouter en premier le clip de leur tournée aux USA. Et ensuite, vraiment le titre phare qui les a fait connaître, 999. Nine, ah, je vais le dire. 999. Dyslexie. Yeah. Atarashi Gakko. Et pour finir, dans cette précédemment dans Tokyo Mental, on va se passer un petit morceau de Asako Toki, pardon. Asako Toki, je l'ai connu, enfin je l'ai connu, je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai fait sa connaissance il y a une dizaine d'années déjà, dans des circonstances particulières, et donc elle correspond à un moment de ma vie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, pas tout ce qu'elle fait, mais certaines choses. C'est très jazzy, c'est une pop qui est teintée de jazz, du jazz gentil, du smooth jazz. Et c'est aussi une personne qui fait un show radio, enfin un contenu radio, puisqu'il est redistribué ensuite sur un réseau de radio FM sur le Japon. Ce show s'appelle Tokichik Radio. Et donc, juste après ça, on va écouter un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Round Sugar. Toki Asako. Tokichik Radio. 時あさこです。ではではここで今週のゲストの方をご紹介しましょう。原田智代さんです。どうもよろしくお願いします。智代さん、この番組でこうやって向かい合うのは 2回目 そうですね。 ですね。 結構久しぶりですね。 2018年ルールブルーというアルバムを出して、はい、トキさんに詩を書いていただいた時、 はい、 あの時に呼んでいただいて以来です。 そっか、もうあれが2年前になるんですね。 うん、ですね。早いですね。 早いですね。 あっという間。 本当去年ぐらいかなと思ったんですけどそうで、そのアルバムでそのピンポンという曲の歌詞を私が作詞、いたしまして、でそれを 焼けつくほどのセンセーション、運命安全な刺激、破れた恋の忘れ方、探して Run, hide, sugar, run, hide. Asako Toki-san, la Hansha Girl. On va refermer cette page de comment c'était avant dans Tokyo Mental pour voir comment c'est maintenant dans Tokyo Mental. Vous êtes prêts ? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo Mental. Three, two, one. ねえドクター、ヘイドクター、メンテしてよドクター、またいつものライノバグ、ハッピーアラッキー、生き生きするモード、組み立て自慢式の心ドクター、おかしいね、おかしいね、くだらないね、イエイイエイ、わけないね、わけないね、ハイスペックなんで最先端のパワー、やばいな、キャスト、ドキドキが変わりそう、レジは言って、 よくろにスモールのパポだけ もうね絡み合う日々の泣き殻だ罪をワルツのように組み替えてんだろ We'll be right back. Il me reste à peine une minute pour vous dire que demain, c'est journée portes ouvertes à la MDE à Poitiers et que c'est aussi journée portes ouvertes à Radio Pulsar. Et je serai là. Et on va se quitter sur rien, en fait, parce que dans 30 secondes, c'est terminé, mon Dieu. Un petit... qu'est-ce qu'on va mettre ? Il me reste à vous souhaiter une bonne nuit et puis à vous souhaiter rien du tout. Et à la semaine prochaine. À plus et peut-être à demain. Salut.